kebab sans frites pour économiser 50 centimes. Quoi qu'il arrive, t'as toujours un trou dans le jean, y'a pas vraiment le choix, faut que tu deviennes dentiste. Le vestiaire est payant, donc t'es en doudoune sur la piste. T'as pas thune pour toi, mais t'en as pour tes potes. Pas de fric pour bouffer, mais t'en as pour tes clopes. Les chaussures sont des fausses, pas de marque sur la veste. T'as un trou dans la chaussette, mais c'est la seule qui te reste. L'écran du téléphone est pété, les colos d'été, la famille endettée, tout ce que t'as, on te l'a prêté. T'es le pro des emprunts et de la location. Bien sûr qu'on y va en caisse, t'as vu le prix de l'avion. Y'a pas longtemps, t'as découvert le découvert. Merde, tu portes les vieux habits du grand frère. Tout est précieux, rien n'est acheté. Des heures à la fenêtre contre pote, même si tu peux rien acheter. J'ai pas grand chose dans les poches, à part mes mains, mais c'est déjà bien. J'ai de quoi écrire des refrains. Et pour mes proches, on verra bien demain. Le soleil, une paire de potes, ça coûte rien. J'ai pas grand chose dans les poches, à part mes mains, mais c'est déjà bien. J'ai de quoi écrire des refrains. Et pour mes proches, on verra bien demain. Le soleil, une paire de potes, ça coûte rien. T'as perdu ton maillot, tu te baignes en caleçon. Illusion, ton père ajoute de l'eau dans la boisson. Les promos pourris, les lotos ratés qu'on entasse. Tu ferais un verre d'eau gratuit juste pour traîner en terrasse. Ça sera tout? Oui madame, de toute manière j'ai plus rien. Plus de crédit donc je gratte, un appel et je reviens. En boîte aux chiottes tu bois, non t'as pas soif mais t'anticipes. Ton gel douche 3 en 1, hors shampoing et dentifrice. Se coller derrière une vieille, frauder le métro. Plus d'essence mais tu roules dans le rouge, un élastique de merde tient ton rétro. Les larmes aux yeux si tu trouves un euro par terre. Je dois beaucoup à mes potes, dans les deux sens du terme. Les yaourts sans goût, tombés en panne sur la route. Jouer au basket, sans panier, avec un ballon de foot. Payé en centimes, rêver de vacances sur un banc. Dans nos 10 mètres carrés, on voit toujours les choses en grand. J'ai pas grand chose dans les poches, à part mes mains, mais c'est déjà bien. J'ai de quoi écrire des refrains. Et pour mes proches, on verra bien demain. Le soleil, une paire de potes, ça coûte rien. J'ai pas grand chose dans les poches, à part mes mains, mais c'est déjà bien. J'ai de quoi écrire des refrains. Et pour mes proches, on verra bien demain. Le soleil, une paire de potes, ça coûte rien. Pas grand chose dans nos caisses, caisses, caisses, caisses, vrai. C'est là que les galères naissent, naissent, naissent, naissent. Et sans cesse ils nous rabaissent, baissent, baissent, baissent. Mais les écoute pas, non, laisse, laisse, laisse, laisse les. Pas grand chose dans nos caisses, caisses, caisses, caisses, vrai. C'est là que les galères naissent, naissent, naissent, naissent. Et sans cesse ils nous rabaissent, baissent, baissent, baissent. Mais les écoute pas, non, laisse, laisse, laisse, laisse les. Ça coûte rien, ça coûte rien, ça coûte rien, ça coûte rien, ça coûte rien, ça coûte rien, ça coûte rien, ça coûte rien. J'ai pas grand chose dans les poches, à part mes mains, mais c'est déjà bien. J'ai de quoi écrire des refrains. Et pour mes proches, on verra bien demain. Le soleil, une paire de potes, ça coûte rien. Et ça coûte rien. Big flow, big flow, big flow. Oli, Oli. D'ailleurs flow, tu me dois un euro.